Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est Manu dans The Rocks, avec cette petite musique derrière qui donne envie de prendre 2 kilos rien qu'en regardant le menu. Eh bien, on va rentrer dans cette émission de fin de saison qui nous annonce à chaque fois le best-of de l'année qui vient de s'écouler. L'année, c'était 2023. On va en reparler tout ce soir des meilleurs morceaux, des morceaux qui ont marqué l'émission pendant toute cette année. Mais avant cela, on va se passer deux petits morceaux qui vont nous mettre dans l'ambiance. Ciao, à dans 2 morceaux. Scared. I'm sad milk on the lost best baby that I ever had. Wish I had breathed. I could skate away on. I wish I had lived so long. Teach my Stevens, là qu'on entend derrière, évidemment, sorti de son petit coffret qu'il avait sorti à Noël il y a quelques années. Bonsoir, messieurs, dames, je m'appelle Manu Bourdier et cette émission s'appelle On The Rocks. Nous allons ce soir nous passer en revue ce qui a été pour moi, de façon très subjective, les meilleurs moments musicaux de cette année. Alors, on va pas y aller par quatre chemins. C'est pas la plus grande année musicale depuis les débuts d'On The Rocks. Il y a eu mieux. Il y a eu des années beaucoup plus florissantes et beaucoup plus enthousiasmantes. Alors, j'ai quand même été obligé de faire une sélection parce que sur une année, j'ai pas pu tout diffuser forcément ce soir, mais en tout cas on va commencer avec ce qui est pour moi peut-être l'album de l'année le plus surprenant, mais pour moi je crois que c'est le meilleur album de l'année, un album qui sur le papier avait tout pour laisser un peu sceptique, et pourtant quel album, quel projet et quel résultat à l'arrivée, vraiment extraordinaire. C'est l'album de Cat Power, enregistré Royal Albert Hall, où elle reprend l'intégralité du concert de Bob Dylan de 1966 dans l'ordre. On s'est déjà beaucoup diffusé de morceaux de cet album et vraiment c'est une réussite totale. Elle magnifie chaque morceau de Bob Dylan, d'abord un set acoustique comme l'avait fait Dylan en 66, et puis un set électrique qui lui avait attiré les foudres des puristes de la protest song, simplement avec guitare acoustique et harmonica. Avec le recul, c'est un concert parfait. Elle le joue copie carbone, mais avec sa voix à elle et avec sa sensibilité à elle. Et vraiment, quel plaisir et quelle magnificence que cet album. On va se passer un morceau qu'on ne s'est pas diffusé encore dans The Rocks, qui s'appelle Mr. Tambourine Man, qui est peut-être un des plus grands tubes de Bob Dylan. Et ben voilà ce qu'elle en fait. Allez, pour moi, c'est peut-être l'un des tout premiers albums de l'année 2023. Qui s'achève. Voici Sean Marshall alias Cat Power avec Mr. Tambourine Man en live. Ah, oui, c'est vous avez vu, hein, c'est minimaliste, hein, c'est vraiment minimaliste, c'est ça que j'aime bien. Bon, bah, on recommence quoi, en live donc. Sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me in the jingle time. Good morning, I come following you. Evening's empire has returned into sand, vanished from my hand.

come following you, following. Si vous n'avez pas eu assez avec ce morceau de Cat Power, sachez qu'elle sera en concert. Alors vous pouvez vous acheter l'album, bien évidemment, mais elle sera en concert au Printemps de Bourges, où elle jouera l'intégralité de cet album Bob Dylan, de ce concert Bob Dylan, et également aux Folies Bergères quelques jours plus tard. Ce sera fin avril. Ce soir, dans The Rocks, on se visite les meilleurs moments de l'année 2023 de manière musicale. Et il y en a un qui vient tout juste d'arriver. C'est l'album de Pierce Faccini qui s'appelle The Songs I Love Volume 2. Il avait déjà sorti le volume 1. On en a largement parlé la semaine dernière de ce volume 2. Pierce Faccini passe des morceaux aussi divers et variés que des traditionnels italiens, que des traditionnels français, que des... Alors, celui-là, il n'y en a pas des traditionnels français sur cet album, mais que des morceaux d'Eliot Smith ou des morceaux de Joni Mitchell. Eh bien, il les passe à la moulinette de son folk matiné, de blues malien matiné, de musique arabe, et il met tout ça dans son grand chaudron, et ça donne des choses magnifiques. Alors, à la vérité, c'est vrai que cet objet, qui est un objet d'art également, puisqu'il y a une peinture qui a été réalisé par ses soins de chacun des artistes dont il reprend une chanson. Sur la durée, cet album, ce coffret est un peu soporifique, c'est vrai. Il y a des moments où on s'assoupit un poil, mais il y a des versions magnifiques comme par exemple ce Voodoo Child de Slide Return. Vous, évidemment, le morceau homérique de Jimi Hendrix, eh bien, il en fait ceci, et on a l'impression que ça a été taillé pour lui, et que ça a été taillé pour une mélopée un peu comme ça, une tournerie un peu qui nous vient d'outre-Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée. Voici donc Pierce Faccini avec Voodoo Child, Slide Return. Ça fait partie des grands moments de l'année 2023, et là c'était In Extremis, puisque l'album est sorti il y a quelques jours. m'avez dit, c'est assez merveilleux quand même, un des plus beaux morceaux de l'année 2023, car c'est le thème ce soir dans The Rocks, et rediffusion sur ZEF et sur TheRocks.net. On se visite les meilleurs moments de l'année 2023 en matière de musique. Eh bien, il y a un album qui a mis tout le monde d'accord de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. C'est le premier album, puisqu'il y avait un EP au départ, d'un super groupe qui s'appelle Boy Genius. J'en ai également beaucoup parlé, oui, j'en ai beaucoup parlé aussi, mais ça, je sais que tu aimes aussi Boy Genius, ce trio de musiciennes assez étonnantes, puisque différentes les unes des autres, mais reliées par ce même amour de la musique, de la mélodie bien faite, des harmonies vocales, de l'énergie qui succède à l'apaisement. Boy Genius, c'est Lucy Dacus, c'est Phoebe Bridgers et c'est Julian Baker qui ont sorti donc cet album qui s'appelle The Record, je crois, ou The Album, je sais plus, The Record, je crois. Et donc The Record, bien sûr. Donc cet album de Boy Genius a un peu tout raflé aux États-Unis. Elles ont sorti un EP qui s'appelle The Rest, qui est vraiment magnifique également en cette fin d'année. Donc c'est leur année. Elles ont livré une prestation en concert à Rock en Seine, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était vraiment génial. Ça, c'est visible sur YouTube. Donc je vous conseille vraiment cet album si vous aimez la musique américaine, certes assez léchée et assez produite, mais avec une âme quand même derrière, et puis un joli trio, vraiment une belle rencontre que ces musiciennes. On va se passer un extrait de cet album qui s'appelle Sataniste, et ça, je crois que c'est plutôt l'œuvre de Julian Baker. Dès que c'est un petit peu plus guitare dehors, c'est un peu son œuvre à elle, mais elles sont très complémentaires toutes les trois, et je vous conseille vraiment cet album, avec en plus, ça ne gâche rien, une très belle pochette. Voici Boy Genius, Sataniste, et c'est un morceau que je dédie donc à Duduche. Your soul to buy a dream. C'était Boy Genius à l'instant avec Satanist, tiré d'un des tout meilleurs albums de l'année 2023. Il y a eu également un beau moment en 2023 que je vous conseille d'aller réécouter sur le site ontherocks.net. C'est l'interview de Frandol, chanteur des François 1er, mais précédemment chanteur essentiellement des Roadrunners et des Kitchen Men. Frandol, qui n'est pas très très coutumier des interviews, a accepté que je l'interviewe, et ça a été une très belle rencontre, un très bon moment. Et puis surtout un très bon concert derrière, des François 1er qui restent sur scène, un groupe assez incomparable et assez génial. On retrouve l'énergie des Roadrunners avec un peu plus de maturité et un peu plus de malice dans le regard. Voici donc un extrait de ce qui sera sûrement le premier album des François 1er qui sortira en 2024. Ça date pas de 2023, ça date de 2022 je crois, ce morceau. Donc ils prennent leur temps, mais en tout cas si vous pouvez aller les voir sur scène, allez-y. C'est vraiment vraiment ce qu'il y a de bien dans le rock'n'roll en ce moment sur scène. C'est eux, c'est les François 1er, Alone With You. Voici donc ce morceau, et qui reflète un des très bons moments de l'année. Close the doors to the past. Best-of de l'année 2023 dans On The Rock ce soir. À l'instant, c'était donc les François 1er avec Alone With You, tiré d'un album à venir qui n'est pas sorti cette année. Je triche un peu, mais en tout cas, c'était un beau concert et une belle rencontre avec une belle interview de Frandol, leader charismatique avec François Lebas des François 1er. On va revenir à des choses un peu plus obscures par chez nous, et pourtant, c'est un groupe que je défends depuis des années et des années. Ils ont à nouveau sorti un album cette année, et à nouveau c'était un excellent album. Voilà, ça fait partie de ces groupes qu'on reconnaît à la première première mesure du chant, à cette ambiance un peu qui peut rappeler peut-être les guitares carillonnantes de groupes des années fin des années 60, un peu à la Byrds, mais avec un petit côté Americana et un petit côté langoureux et assez lumineux qui leur va très très bien. Le groupe s'appelle Woods, W-O-O-D-S quoi, Woods, et le morceau ça s'appelle Whip. C'est dans The Rock, c'est pour moi, c'est un des tout tout meilleurs morceaux et albums de 2023. Si vous voulez aller piocher dans les meilleurs moments de l'année 2023, celui-là fait partie de mes tout meilleurs moments. C'est l'album de Woods avec le morceau Whip. Encore un artiste, alors je parle vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous faire écouter pour ce best-of de l'année 2023. Encore un artiste qui a sorti un très très bel album. J'avais été vraiment fan de son premier album qui était sorti il y a quelques années de cela, il y a une petite décennie, une grosse décennie. Voilà, je l'avais un petit peu oublié, il avait sorti des albums un peu moins bons, et là il est revenu avec un album qui mélange trois types de chansons. Les premières sont des chansons folk dans tout ce qu'elles ont de plus pur, avec sa voix reconnaissable également, elle, entre mille, celle d'une voix qui peut rappeler un petit peu Rod Stewart par certains côtés. Et puis il y a deux ou trois morceaux qui sont vraiment des morceaux qui lorgnent du côté de la soul music, de la black music, un peu à la Steve Wonder. Et puis un ou deux morceaux qui sont plutôt des morceaux à guitare, des morceaux un peu rentre-dedans. C'est un de ces morceaux qu'on va se passer. Le monsieur s'appelle John Allen Xav. Si tu écoutes, John Allen, c'est J-O-N-A-2-L-E-N. Parce que je sais que tu t'aimes bien quand je... Et le morceau, c'est Hit of the Moment, avec un petit clin d'œil, puisque il n'a jamais vraiment rencontré un succès extraordinaire. Mais Hit of the Moment, c'est plutôt Hit qui s'écrit H-E-A-T. Voici donc un extrait d'un des tout meilleurs albums de l'année 2023. C'est donc Monsieur John Allen, Hit of the Moment. C'est dans The Rocks. Avec Hit of the Moment, ça fait partie des meilleurs moments de l'année 2023, puisque c'est de ça qu'on parle ce soir dans The Rocks. Un petit tour d'horizon avant une petite pause de 15 jours pour l'émission, de ce qui a fait On The Rocks pendant un an. Il y a un album qui est sorti qui a été une bonne surprise aussi. Je m'y attendais pas, je dois vous le dire, puisque à part un album instrumental que j'avais trouvé somptueux, ces derniers albums depuis une dizaine d'années étaient quand même en dessous de ce qu'ils pouvait faire et de ce qu'il avait fait lors de ses trois, quatre premiers albums, surtout les deux premiers. C'est Ben Harper qui est revenu avec un très très joli album cette année, et sur cet album il y avait, on retrouvait un peu la Ben Harper touch de ses débuts. Et puis sur cet album il y avait un duo avec un garçon pardon qu'il avait déjà rencontré, je crois, ils avaient déjà croisé fer, et franchement c'est pas étonnant parce que c'est un petit peu de la même famille. Tout ça, c'était Jack Johnson, et donc Jack Johnson et Ben Harper ont livré ce morceau Yard Sale qui apparaît à nos oreilles comme un classique immédiat de la folk music. Donc on se le repasse ce soir et c'est une véritable petite merveille. Normalement vous l'écoutez deux fois et ensuite vous l'avez dans la tête pour un bon moment. Voici donc Ben Harper et Jack Johnson avec Yard Sale, tiré de l'album de Ben Harper qui pour moi, qui s'appelait Wide Open Light l'album, et qui pour moi est un des tout meilleurs albums de cette année. All of her personal effects. It seemed a bit too late for goodbye sex. Out the window an engine idled, some guy leaning on the hood. I'm pretty sure she's gone for good. Love is a yard sale. Strangers wander up on your grass to hold your future hostage and bargain for your past. But all sales are final. No returns, not that you would. I'm pretty sure she's gone for good. Gone for good. Gone for good. Gone for good. Ben Harper dans The Rocks avec Gerd Cell, avec Jack Johnson. Et puis, il y a un groupe qui n'a jamais sorti, eux, de mauvais albums. Alors, Ben Harper, c'est pas des mauvais albums, mais il y a quand même des albums mineurs, des albums un peu, qui ne font pas honneur à son génie, on va dire. Et ben, eux n'ont jamais vraiment sorti de mauvais albums. Ils s'appellent Big Thief, avec leur chanteuse Adrienne Lechner, qui, entre elle solo et eux en groupe, sortent environ 2 à 3 albums par an. C'est assez sidérant. Elle a une voix qui, moi, me transporte, et en particulier sur ce morceau qui est sorti cette année, morceau de Big Thief qui s'appelle Vampire Empire, qui commence avec une voix comme elle sait faire, c'est-à-dire enveloppante et à la fois très expressive et un petit peu en dedans, et puis ça va vers un arrachement et vers une voix qui s'écorche. C'est un véritable petit chef-d'œuvre, ce morceau. Le seul inconvénient, c'est que normalement ça commence très très très très lentement, il y a un grand silence au début. Bon, je l'ai un peu charté et on va démarrer directement dans le vif du sujet. Ça s'appelle donc Vampire Empire. En attendant, Adrienne Lechner, je sais pas si c'est juste un morceau qu'on s'est passé la semaine dernière ou ce sera un album qui va venir, mais en attendant, voici ce morceau qui est sorti cette année de Big Thief, et c'est un des sommets de cette année, Vampire Empire. Ça s'arrête un peu net. Qu'est-ce qui se passe? Les sons. Voilà, on a du mal à voir d'où viennent les sons dans cette radio, mais voilà. Donc voilà, ça y est, tout est coupé. Ça fait peur, ça. Donc c'était à l'instant. On va revenir à nos moutons. Big Thief avec Vampire Empire. Est-ce qu'on peut être et avoir été Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, Blur a sorti un album cette année et franchement, il est bien. Il est mieux que les albums de Gorillaz, mieux que les albums de The Bad, The Good and The Queen, mieux que les albums solo de Damon Albarn. Alors, il n'est pas aussi bien que les premiers albums de Blur, évidemment, mais il est quand même très très bien cet album. Et en particulier, il y a quelques morceaux qui, moi, m'ont réjoui au plus haut point. Ça ressemble un peu à du Bowie, parfois, sur cet album de Blur. On a l'impression d'entendre la voix du Duke, mais là, on entend vraiment du Blur. Ça s'appelle The Rabbit. Et c'est peut-être le morceau le plus efficace du dernier album de Blur. Donc quand même, on les met dans The Rocks. Katou qui a une oreille à qui on ne l'a fait pas dit, il y a un peu du clash là-dedans. Oui, c'est vrai, sur ce morceau, c'est vrai que ça peut faire un petit peu clash. En tout cas, bah voilà, c'est Blur, quoi. Ça reste Blur quand même. On est content de les retrouver et ce morceau est franchement pas mal. On va maintenant calmer un petit peu le jeu avec une chanteuse que j'ai eu la joie de voir sur la scène de l'Astrolabe. Alors, un concert un peu inégal. Il y avait des très beaux moments. Il y avait des choses un petit peu plus, voilà, un peu moins bien. Mais en tout cas, son album qui est sorti l'année dernière faisait partie des meilleurs albums de l'année et c'est une vraie révélation, une vraie artiste. Et vocalement, c'est assez bluffant. Et puis, elle a une personnalité qui fait fondre. Évidemment, c'est November Ultra. On l'a beaucoup vu cette année. Elle a sorti un morceau inédit qui s'appelle Novembre. Et bien, on va se passer ce morceau-là parce que ça fait quand même partie des grands moments et des beaux moments de 2023. Et en tout cas, pour moi, c'est une des meilleures découvertes de la scène française et de la scène tout court de ces dernières années. Mais bon, je suis pas seul à le dire. Je suis pas très original. Donc, voici November Ultra avec le morceau Novembre. Warm from coffee under the mistletoe. pictures, miss home. My heart keeps racing. Who am I chasing? Am I chasing home? November's all year long now. December never came. I realize I'm alone now, but they all think I'm the same. C'est des voix qui ne laissent pas indifférentes. C'était celle donc de November Ultra avec le morceau Novembre. On s'était passé des petites boucles de Sujvan Stevens qui dataient d'il y a quelques années où il se faisait plaisir à jouer des petites choses de Noël comme ça dans des coffrets. Eh bien, il est revenu Sujvan Stevens cette année avec un album qui était vraiment vraiment pas mal, à la fois intimiste comme il sait le faire avec ces petites boucles comme ça, on le reconnaît immédiatement, boucles mélodiques, et puis avec quelques envolées avec des chœurs derrière. Et bien l'album fonctionne très bien. On va se passer un extrait, So You Are Tied. J'espère que vous n'êtes pas encore fatigué car l'émission dure encore un peu. J'ai plein de choses, plein de petites merveilles de 2023 dans cette émission Best Of à vous faire découvrir. Donc voici donc un extrait de l'album de Sujvan Stevens. Ça s'appelle So You Are Tied. Stevens dans The Rocks avec So You Are Tied. Alors vous allez dire, l'année 2023 semble un peu dans The Rocks, un peu lente, un peu neurasthénique. Alors c'est sûr que bon, Sylvain Stevens, November Ultra, tout ça, voilà, c'est pas du trash metal. Eh bien, on va revenir à des choses un petit peu plus guitare, parce qu'il y a eu des très bons morceaux qui nous ont un peu secoué pendant cette année 2023, et en particulier ce flat party du Duche va opiner du chef. Elle va dire tout l'album est pas bien, mais enfin ce morceau-là il est bien. Elle a raison, tout l'album n'est pas bien, mais ce morceau-là il est bien. Ça s'appelle I'm Bored, Give Me Love. On s'est diffusé ça dans On The Rocks et c'était super bien. Voici un morceau qui nous a enchanté pendant cette année 2023. Et puis il y a eu un petit hold-up avec des petits gars qui s'appelaient American Outers, qui ont sorti un morceau qui a évidemment fait plus qu'un clin d'œil appuyé à Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin, qui l'ont quasiment pillé, mais qui l'ont pillé avec joyeuseté et avec habileté. Et bien voilà, ça a été un de mes petits morceaux de cet été. Donc bon, on va se le diffuser ce soir. American Outers, We Happy, c'est dans The Rocks. My groove, some Ça fait du bien aussi de temps en temps de la légèreté et de pas vouloir sortir le morceau et l'album du siècle. Un petit peu, voilà, bah c'est ça leur va bien. Moi je trouve ce American Authors, oui, happy et ça va bien on the rocks pour cette émission spéciale Best of 2023. Et puis il y a des voix qu'on est vraiment très très heureux de retrouver à chaque album, de retrouver l'émerveillement qu'on a eu quand on les a entendus pour la première fois. Elle nous vient d'Islande, elle, malgré son, contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, Emiliana Torrini, elle est revenue avec un album où il y a des, pareil, un album assez inégal, mais en tout cas il y a des morceaux où toute l'ampleur de sa fragilité justement et de sa voix incomparable ressort. Wedding Song, c'est le morceau que j'ai choisi ce soir pour vous rappeler cette année 2023 et cette réapparition d'Emiliana Torrini. Like a rose in a fire, and you watch it burn. There's a lot to admire in the cold, in the breeze. When the winter takes its toll, you are there, my mind is quiet. Spring like a dove, when the sun speared through the trees, there was you, there was me, and oh, in the shade of a dream, your lips I pray to keep. c'est assez catastrophique puisque le temps est en train de filer à une allure, mes amis. Je pense que je n'aurai pas le temps de vous passer la moitié de ce que je voulais vous passer ce soir. Ça va pas du tout. Alors on va vite enchaîner avec un extrait de l'album de Brendan Benson qui a sorti un très bel album cette année. Cette moitié de The Raconteurs, l'autre moitié c'est Jack White, évidemment. On va tout de suite se passer un extrait de cet album pour avoir le temps de se diffuser un maximum de choses. Brendan Benson, donc un des très grands moments de cette année 2023. Whatever's on my mind. Dis donc. Là, on est en train de renvoyer Emiliana Torini, dis donc. Merci pour cette fin, Brendan Benson, pour voir si j'étais encore à l'écoute. Et oui, j'étais là. Whatever's on my mind, c'est un des meilleurs morceaux de l'année 2023. Et on continue dans The Rocks avec un revenant. Là, je ne donnais pas trop cher de sa peau, puisque il avait livré des albums un peu chaotique, un peu brinque-ballant depuis quelques années, où on retrouvait par bride son génie passé. Eh bien, c'est un des leaders des Nerves, des Plimsolls, et ensuite en solo, Peter Case, qui est revenu avec un très bel album, plutôt apaisé, plutôt tranquille, hein, il fait plus vraiment dans le rock'n'roll, Peter Case, mais il a toujours cette voix inimitable, et là, aux surprises, à part un ou deux titres, cet album, c'était entièrement au piano. Donc on va se passer un morceau de cet album de Peter Case, ça s'appelle « Give me 5 minutes more ». C'est ce que j'ai envie de dire, moi, tellement j'ai encore de morceaux à vous diffuser. Give me 5 minutes once more to sell this thing, to tell my story and straighten it out. Give me 5 minutes more to see her one more time, to fix the trouble and try it again. Give me 5 minutes more. Give me 5 minutes more to answer the question, to find the solution, look it up. Give me 5 minutes more to explain myself, win or lose, to turn it around. Give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Oh, give me 5 minutes more, just 5 minutes more. Or 5 minutes more to get it right, to let it go, to say goodbye, to say hello, to pick it up. Ask them why, to plug the leak, acknowledge the fool, protect the weak. Oh, give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Give me 5 minutes more, just 5 minutes more. 5 minutes more, only 5 minutes more. Give me 5 minutes more, just 5 minutes more. Avec Give Me 5 Minutes More. On va continuer avec un autre groupe qui n'a jamais vraiment baissé la garde et qui est toujours resté en activité. Et quelle activité! Ils faisaient partie des espoirs de la Britpop et ils ont un peu disparu après deux premiers albums qui ont fait beaucoup de bruit, et pourtant tous leurs albums sont bons. Et bien ils sont revenus là avec un nouveau morceau juste à la fin de l'année 2023. Ils sont désormais un peu, il y a du sarcasme, du goguenard dans leur composition, et ça leur va plutôt bien. Et ça va faire plaisir à Duduche aussi, qui est de l'autre côté du poste. Ça s'appelle Kula Checker, le groupe de Crispian Mills, qui sont revenus donc avec ce morceau qui s'intitule Indian Record Player. Muhammad. A rep, he was the man. We spun the Grenoble, the cream and Gishka, an Indian record player, an Indian record player. Yeah, yeah, yeah. With a harem sound, we play Eurojohn. We watch Break a Dance on a makeshift screen. Be so true. Now I never knew that the feeling was true. You know I never knew the feeling was true. Ça, c'est du morceau Indian Record Player. C'était Kulak Shaker, en espérant que l'album à venir soit aussi bon que cela. Eh bien voilà, j'aurais pas eu le temps de vous diffuser PJ Hervé, j'aurais pas eu le temps de vous diffuser Sun Fruits, j'aurais pas eu le temps de vous diffuser le fantastique album de reprise de Rufus Wainwright avec Anony, je n'aurais pas eu le temps de vous diffuser un très beau morceau de Feist, un sympathique morceau de Pyjama, et évidemment un extrait du dernier David Feknam. Ça va pas du tout. Tout ça, c'était des très très très bon moment de l'année 2023. Et ben on va quand même se terminer avec une voix qui moi m'a enchanté cette année, puisque je l'ai retrouvée intacte, une voix qui n'a pas bougé, un peu à l'instar de Neil Young qui vient de sortir un album, une voix qui n'a pas changé depuis ses débuts, et c'est vraiment assez troublant. Elle s'appelle Ricky Lee Jones, elle a sorti un morceau qui s'appelait Just In Time. Et ça, c'est pour la gâteau. Just in time, you found me just in time. Before you came, things were running low. Oh, I was lost, the losing dice were tossed, my bridges all were crossed. Met you, and now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. Love came just in time. You found me just in time. You changed my lonely life, that happy day. Sur ce morceau que va s'achever bientôt l'émission On The Rocks spéciale 2023. Je vous retrouverai en 2024. Pas d'émission pendant les vacances, pendant 15 jours. Vous allez retrouver la rédac du sport, Rémi, qui va vous expliquer que le tirage au sort du PSG est pas si pourri. Pour une fois. Ça va peut-être passer les huitièmes. Voilà, désolé à tous les morceaux et tous les artistes que je n'ai pas pu diffuser, faute de temps, mais on les rediffusera en 2024. Et puis, après ce petit Ricky Lee Jones, on va enchaîner le temps que Rémi s'installe avec deux petits morceaux enchaînés, mais on n'aura peut-être pas le temps de passer les deux. Hein. C'est Jimmy Colom avec I Believe in Father Christmas. Et puis, juste derrière, je voulais passer un petit Pogues, évidemment, en petit hommage, mais déjà un petit bout de Jimmy Colom, ce sera déjà assez bien. Je vous laisse donc entre les mains expertes sportives de Rémi, et je vous dis bye bye, rendez-vous en 2024. Bonnes vacances, Manu. Hein? Ah oui, bonnes vacances, oui, tu peux me le redire, même, j'adore cette expression. C'est parti, ça s'appelle l'arrêt d'arc du sport, et moi je vous donne rendez-vous au début 2024. Ciao, et bis à Duduche et à ses sisters. They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth. But instead it just kept on raining. A veil of tears for the virgin birth. I remember one Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peal of a bell, and that Christmas tree smell, and their eyes full of tinsel and fire. They sold me a dream of Christmas. They sold me a silent night. They told me a fairy story till I believed in the Israelite. Well, I believed in Father Christmas. I looked to the sky with excited. Till I woke with a yawn in the first light of dawn, and I saw him through his disguise. Let your road be clear. They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth.